la rumba là. Son courage fit confrère. Passe la frontière, rumba la rumba la rumba là. A tous ceux qui volontaire, rumba la rumba la rumba là. Voulez défendre l'Espagne, ay Manuela, ay Manuela. Dans la cinquième brigade, ay Manuela, ay Manuela. Il venait de par le monde, rumba la rumba la rumba là. De Paris, Moscou, Londres, rumba la rumba la rumba là. Et certains ont pour savoir, ay Manuela, qui venait de nulle part, ay Manuela. Mais en 1937, près du café Tranquilidad, alors que la 5e brigade doit quitter l'Espagne, elle périt dans l'embuscade que lui tendait l'ennemi. Elle avait 16 ans à peine, rumba la rumba la rumba là. Mais n'ayez pas trop de peine, rumba la rumba la rumba là. Son action ne fut pas vaine. Était fille de péone, rumba la rumba la rumba la. Son courage fait qu'on fredonne.